Portrait de Marcel Proust par Anna de Noailles. J'ai connu Marcel Proust au temps où sa magnifique intelligence, sa tendresse suave et alarmée, ses propos divisés en fusées d'enthousiasme, d'observation et de ruse, étaient uniquement la propriété de ses amis. Par une autorité magnétique, il nous obligeait à méconnaître ses dons inouïs que nous goûtions passionnément. D'un commun consentement, on lui accordait de n'être pas le centre d'un groupe privilégié, riche en talent, en éloquence, en promesses de triomphe, et que pourtant il présidait, mais de biais. Volontairement effacé, il s'avançait timidement, feignant d'être importun, et avec un air de contrition que ne dissipaient pas nos cris heureux. « Ah, voilà Marcel !» Tout aussitôt, il brillait par rayons obliques et rapides, et instituait le plus séduisant éclairage. Dans nos assemblées amicales, on avait Marcel Proust comme Paris à le Louvre, Londres ses parcs, Palerme son jardin botanique. Sans lui, les réunions du soir, qui se transportaient de demeure en demeure, nous eussent semblé privés de leurs témoins insignes et de leurs juges. La poésie, la musique, la peinture, la pensée philosophique, les discussions politiques passaient sous le regard de Marcel Proust et étaient comme proposées à son assentiment, à ses retouches ou à son refus. On admirait d'autres esprits que le sien. On reconnaissait à d'autres amis la verve souveraine, les mérites créateurs. On n'avait guère confiance que dans le jugement de Marcel Proust. Aux instants de nos fêtes, toujours intimes, il nous tenait en haleine. Viendrait-il ou ne viendrait-il pas à la soirée qui s'était formée en son honneur? On ne pouvait rien conjecturer. Quelles qu'eussent été ses ardentes promesses et les lettres pneumatiques affirmatives, dubitatives, sillonné encore d'affirmations que l'on recevait à la dernière heure. Souvent il venait. Il semblait venir de loin, fortuitement, sans préméditation comme sans but, mais portant les secrets du mage et assuré de transfigurer l'atmosphère par les effluves veloutés de son regard. Obsédant regard, où la tristesse acquise par la somme des choses baignait dans une fringante malice, où l'indifférence, qu'il voulait soudain totale, prenait l'éclat doré de la ferveur, de la rêverie, des projets infinis. Son incroyable modestie, dont il avait réussi la confection avec une adorable et scandaleuse adresse, n'eût pas été parfaite si elle n'eût pour base le marbre le plus net, la sincérité. Loyale humilité de Marcel Proust, qui vous incorporiez à la connaissance que vous aviez de vous, à votre autorité sur autrui et cependant les débordiez, vous me serez à jamais inexplicable. Humilité vraie de celui qui, contemplant les détails de l'univers avec des yeux extatiques, veut ignorer que les radieuses délicatesses du décor sont le privilège de ses sens et se dépensent en effusion et action de grâce. Esprit vêtu de bure, dirons-nous de Marcel Proust à l'époque où débutent les lettres que je publie. Pèlerin vraiment passionné, qui se soumet avec un âpre délice à la tradition sacrée, dénude sa tête, déchausse ses pieds, les revêts de pauvres sandales, chemine en bénissant la route ardue, le poids de la besace, la nourriture frugale. Mais, réservant son magnificat pour ce qu'il aimait sans mesure, pour les ciels de Fiesole, les vitraux et les rosaces des cathédrales de France, les camélias imprévus d'un bourg breton, l'encolie des montagnes, Marcel Proust laissait déferler un rire chargé de gai mépris sur l'immense comédie des hommes et du destin. Ivre de vénération, il ne connaissait pas le respect. En publiant les lettres de Marcel Proust, ami trop généreux, aveuglé par la tendresse, exalté par soi-même, je n'ai pas à signaler, tant l'évidence éclate, qu'aujourd'hui comme jadis, je me défends de son lucide délire de subtil troubadour, pour ne me sentir orgueilleuse que de son amitié. Je livre ce qui fut lui, et non l'image dorée et diamantée qu'il s'amusa à peindre de moi. Amusement ravissant, sérieux ou moqueur, dont nous n'étions dupes ni l'un ni l'autre, mais qui nous rapprochait fraternellement. Pendant bien longtemps, j'ai voulu ne pas faire paraître ces pages où pourtant s'épanouit, plus qu'ailleurs, la jeunesse d'une âme active, profonde, érudite, délicatement animale. Il me semblait, avec une juste épouvante, que j'allais présenter un plaidoyer superbe et dire à quelques écouteurs sans bonté, « Vous voyez bien ». À présent, de nombreux volumes ont paru où le cher Marcel, s'adressant à ses amis, leur veut prouver leur excellence et prit en s'exclure du reflet même de la chape et de l'auréole dont il les part. On sait donc qu'il ne faut pas le croire quand il nous situe sur l'Olympe, les mains puis à l'azur, la tête renversée dans les lauriers, tandis qu'il fait mine de s'approcher de nous avec grande terreur et soumission, tenant entre ses doigts pieux les humbles présents du chevrier. Mais ce qu'il faut croire, ce qu'il est bon que l'on sache, c'est son dévouement de feu aux œuvres de l'intelligence, sa félicité ou son angoisse dans l'affection, cette abondance d'âme qui fit l'honneur et le bonheur d'une époque plus pure, plus enflammée que celle qui lui succéda. Sans Marcel Proust, sans ses hymnes du matin, ses angélus du soir, qui me parvenaient en des enveloppes surchargées de taxes supplémentaires, ou par l'entremise d'un cocher de fiacre amicalement traité, qui demandait à m'expliquer de vive voix le post-scriptum verbal dont l'avait chargé notre ami, je n'eusse pas écrit les poèmes que la prédilection de Marcel Proust réclamait. Son éblouissante amitié m'a influencé, modifié, comme seul en est capable un noble amour du verbe. Car l'inimitié et la sévérité, au contraire, nous renforcent en nous-mêmes. Marcel Proust est le seul être qui m'ait fait changer un vers, supprimer une strophe. Je ne lui donnais pas raison en accomplissant mon sacrifice, car le poète ne voit pas si vite ses défauts. Mais donner tort à Marcel, au divinateur, au sourcier, je ne le pouvais pas. Il a suspendu les premières guirlandes au léger temple de ma jeunesse. Il m'a fait croire que la poésie était le nectar du monde, que la gloire juvénile était chère à toute une foule, la renommée sans ennemi, le triomphe innocent. Il m'a fait connaître son entourage brillant de haute dignité, ses condisciples choyés à leur naissance par les déesses de l'esprit, et entendre son ami de prédilection, Reynaldo Hahn, le seul rossignol qui se soit posé sur un clavier. Il a marqué à tout instant sa préférence pour ma sœur, son goût pour sa personne captivante, son intelligence acérée et pleine de grâce, sa divine modestie, et par là, il m'a choisi dans ce qui me plaisait plus que moi-même. Je lis et relis vos lettres en les colligeant, cher Marcel, magnifique Camille, et c'est ma douleur, devant ces pages, de penser que dans le candide orgueil de la jeunesse, elles ne me semblaient pas ahurissantes. Elles le sont pourtant, par l'apothéose imméritée dans laquelle j'apparais. Le haussement de ton, la transposition de la gamme centrale en chant élevé et céleste, c'était votre naturelle vocalise. Je ne saurais cesser de le répéter, et pourtant cette affirmation constante n'atténue pas mon scrupule. Aussi, en mon cœur, je viens vous interroger. Comme chez tout esprit supérieur, il y a, parmi la rayonnante multitude de vos dons, la raison parfaite et la délicatesse. Je ne pouvais pas, vous me l'eussiez dit, laissez se perdre le trésor de notre amitié. Notre amitié, une part de vous, une part de moi mêlée, forme une création spirituelle, neuve et singulière, qui a ses droits et ses exigences, en dehors même de notre assentiment. Ce que ma confiance et l'assurance ingénue du printemps de ma vie doivent à vos louanges, il m'était interdit aussi de le dissimuler. Je ne devais pas non plus laisser croire à une discorde entre vous et moi, dans les dernières années de votre existence. Discorde supposée parce que tous deux, si souvent souffrants, angoissés cruellement par les jours déchirants de la guerre où le sort de tous et notre inutilité nous accablait, nous ne pouvions plus fréquemment nous rejoindre. Nous avions les mêmes heures de repos dans l'après-midi, entre les murs de nos chambres, assourdis par les pavés poreux du liège que je vous avais recommandé. Le soir, notre activité imprévisible de malade ne nous permettait pas de fixer l'heure d'une sûre rencontre, et votre travail, plus tard, fut votre geôlier tutélaire, indispensable à votre gloire bienfaisante. Nos amis allaient de l'un à l'autre de nous deux, apportant des nouvelles que nos lettres, plus rares, coloraient des mêmes nuances que jadis. Vous m'avez donné, dès notre première entrevue, les plus précieux d'entre vos compagnons. Je vous ai, plus tard, installé dans le cœur de ceux des miens qui m'étaient le plus cher. Je leur faisais cadeau de vous. Ils ont reçu de mes mains et superbement reliées des pages que vous m'aviez adressées. Les lettres de vous que je publie, ou mes poèmes que vous vantez, pénètrent violemment, avec effraction, dirais-je, comme l'ange de l'Annonciation aux ailes de faisan de Fra Angelico dans un verger de lys. Devais-je les détruire? Quelle destruction de moi-même ? Devais-je attendre, simplement, de vous avoir rejoint parmi les ombres ? Quelle hypocrisie ! On ne peut rien ôter, rien ajouter à ce qui est achevé et ne doit pas périr. Un matin brumeux de novembre, j'ai vu Marcel Proust endormi à jamais sur son lit étroit, dans sa chambre nue et silencieuse. La mort n'avait pas troublé, pas attiré l'attention de ce beau visage oriental. Je suis resté assis auprès de ce lit funèbre où pesaient légèrement tant de forces spirituelles. Deux bouquets de violettes sombres se croisaient par-dessus la blanche toile, sur les pieds désormais immobiles. Le grand écrivain dont s'occupait maintenant le monde me laissait l'image de ses jeunes années. Je contemplais en ce corps allongé la simplicité du pâtre, païen ou religieux. Comment Marcel Proust était-il mort ? Paisiblement, par lassitude, ajoutant aux fatigues, aux résignations d'une existence que l'asthme avait torturée. Et sa maladie ne convainquait plus tous ses amis, tant la supériorité rassure. Un mépris absolu de la vie. Lui, le peseur d'or, le bijoutier qui enchâssait dans le métal triste du temps les lueurs aiguisées solides. Il avait méprisé la vie, et la vie de ce jour-là où il ne voulut plus d'elle, comme il aurait oublié de se rendre à une de ses réceptions, dont il n'estimait plus la maussade présomption. Si ses yeux, qui avaient contenu le monde, et l'avaient étiqueté avec une minutie d'épingleur de papillon ou de fanatique pépiniériste, s'étaient ouverts à nouveau, sans doute se fût-il excusé auprès de l'existence de cette suprême et puissante négligence envers elle. Il se fût excusé mille fois de l'avoir dédaigné, d'avoir manqué au dur rendez-vous quotidien, car personne n'eut jamais un plus tranquille courage que ce héros plaintif, irrésolu, aux innombrables lamentations, qui jouait à tout craindre et trouvait cependant qu'en s'épuisant imprudemment jusqu'à l'abolition de soi-même, il ne faisait l'abandon de rien. J'ai longtemps contemplé le fier visage indolent de Marcel Proust endormi. « Quoi ? » me disais-je. « Celui-là qui sait tout et sur toute chose, lui qui aimait en moi mon obstination à tout posséder et conserver, cet amant de l'univers, aussi tendre que François d'Assise, il vient de franchir, à la manière alerte que prescrit ma l'armée, ce peu profond ruisseau calomnié, la mort. Et nul récit ne nous en viendra de lui ? Il ne nous décrira pas les méandres des faiblesses dernières, la noire dentelle aux terminaisons abruptes, la mince, invisible, finale rayure de lumière accostant les ténèbres. Quand, après lui, sont morts ceux qui rendaient mes journées fugitives et sensées, j'ai dans ma douleur, à qui les mots n'ont jamais plus suffi, tacitement dédié à Marcel Proust ma vie arrêtée, désormais énigmatique pour tous, et par là, semblable à son stupéfiant silence. Comtesse de Noailles, le 5 novembre 1930.